بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 58 58 في السؤال 357 question. قال المؤلف حفظه الله تعالى. Donc nous sommes toujours dans le sujet qui touche au Jannah, au paradis. قال ما هي الشجرة في الجنة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. Donc quel est cet arbre présent au paradis dont le cavalier, on dira comme ça, prend 100 ans à traverser son ombre sans de pour autant entendre son bout, on dira comme ça. D'accord, un cavalier, cet arbre est tellement grand que son ombre est une distance de 100 ans pour un cavalier sans mentir, sans pour autant l'entendre le bout. Quand on a Shajara Touba, on l'appelle Touba. Wa dalil hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna fil janna shajaratan yasiru yarakibu fi dhilliha 100 am la yaqta'uha wa qra'u in shi'tum wa dhillun mamdud. Wal hadith muttafaqun alayh. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que nous venons de lire, qu'il y a un arbre dans le paradis dont le cavalier s'aventure prend plus de 100 ans à traverser son ombre sans pour autant l'entendre le bout. Puis il récita la parole d'Allah dans le sens où il dit et une ombre étendue. Une ombre étendue. ثم قال في السؤال 58 بعد 300 358 question. كيف تكون صورة أهل الجنة؟ À quelle image sont les gens? Quelle est l'apparence des gens du paradis? قال على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. Ils sont là à l'apparence de leur père Adam qui est d'une hauteur de 60 coudées vers le ciel, c'est-à-dire très très grand. Comme des hadiths est venu qu'à la base Adam était créé très grand et que nous avons des cesse de rétrécir jusqu'à notre époque. Également dans des hadiths, il était dit que nous allons y rentrer et en étant un verbe. En y étant un verbe. ثم قال الدليل حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, à propos des gens du Jannah, que leur apparence sera celle d'un seul et même homme, qui est celle de leur père Adam, qui mesurait 60 coudées jusque dans les cieux. يعني حديث متفق عليه. ثم قال في السؤال 60 بعد 300 ما الفرق بين السندس والاستبراق؟ Quelle est la différence qui entre ce qu'on appelle السندس et استبراق qui sont des étoffes. سندس c'est du brocart et de la soie assez fine, de matière assez fine. Et استبراق c'est la même matière mais plus épaisse. Et c'est parmi les choses que dont se revêtiront les gens de Jannah. Les choses dont se revêtiront les gens de Jannah. Car vous le savez, la soie est interdite pour les hommes en ce bas monde. Dans le hadith celui, Man abissa al-harir fi hadhihi ad-dunya, khurima alayhi yawm al-qiyamah. Yani fi al-jannah. Celui qui en revêt aujourd'hui en ce bas monde, c'est-à-dire sans raison valable, comme celui qui est malade, ou rien de ça, il n'emportera pas dans le Jannah. Pour les hommes, un mal à la femme a le droit d'emporter. ثم قال في السؤال 61 بعد 300 كم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ Comment le gens entrent au paradis sans rendre compte ni recevoir de châtiment? Et ils sont, comme vous le savez dans la réponse du hadith Ibn Abbas, 70 000. Et chacun des 70 000 aura vécu 70 000 autres. Quand cela est venu, dans une autre version du hadith. ثم قال في السؤال 62 بعد 300 362e question ما هي أوصافهم؟ Quelles sont leurs caractéristiques? Yani ces gens-là, par quoi sont-ils distingués pour pouvoir entrer au paradis sans rendre le compte ni avoir de châtiment? قال هم الذين لا يستلقون, les gens qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. لا ويكتهون, qui ne font pas de cotarisation, ce qu'on appelle le kay, remettre par cotarisation, par faire brûlant que l'on se pose sur la peau. ولا يتطيرون, qui ne font pas preuve de mauvais augure, de mauvais présage. De superstition. Ou alors bihim et tawakkalun, et qui placent leur confiance entière et complète en Allah subhanahu wa ta'ala en prenant les causes. Et qala fi sual al-thalith wa sittin ba thalathmiya 363e question. Man huwa as-sahabi alladhi qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anta minhum? Qui est le compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il faisait partie de ces gens-là? Donc là, c'était maintenant le hadith. C'est Ukasha ibn Mirsad. Le sahabi qui fait partie de ces gens-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dénommé, c'est Ukasha ibn Mirsad. Et maintenant, c'était le hadith qui est la preuve de tout ce que nous allons citer actuellement, le hadith qui est trop connu. Selon Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a redit à l'aïe l'Umam, donc il a dit, les communautés m'ont explosé. فَرَيْتُ النَّبِي مَعُوا أَبُهَيْتِ وَالنَّبِي مَعُوا الرَّجُلْ وَرَجُلَانِ وَالنَّبِي سَمَعُوا أَحَدْ. Donc il a dit, j'ai vu le prophète venir avec un petit groupe de suiveurs. J'ai vu le prophète ne venir qu'avec deux suiveurs, et j'ai vu le prophète venir avec personne, ou sans personne avec lui. Ce qui prouve bien que le grand nombre n'est pas une preuve. Sans quoi les prophètes sont venus et personne ne les a écoutés. ثم قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أن أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. Donc après, on m'a exposé une grande communauté, une grande masse noire, et j'ai vu qu'il s'agissait de ma communauté. On m'a dit, il s'agit de Moussa et de sa communauté. ولكن انظر للأفق. Mais cependant, regarde à l'horizon. فنظرت في سواد عظيم. Donc j'ai regardé, j'ai vu notre masse noire immense. فقيل لي انظر للأفق الآخر. On m'a dit, regarde encore à l'autre horizon. Donc j'ai regardé une fois de plus vers l'autre horizon. فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et donc là, quand, une fois que j'ai regardé, on m'a dit, bah, cette grande masse noire que tu viens de voir là, c'est ta communauté. Et avec eux se trouvent 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans rendre compte ni se faire châtier. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. Donc après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla et laissa ses compagnons qui se mirent à discuter à propos de ces 70 000 qui sont-ils. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et certains ont dit, il se peut que ce soient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا. Et d'autres ont dit, il se peut que ce soit ceux qui sont nés en islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était différentes choses. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم sortit de chez lui et leur dit, de quoi est-ce que vous parlez? فأخبروه. Donc ils l'informèrent. قال هم الذين لا يرقون ولا يستلقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Donc il dit, ils sont ceux qui ne font pas ruqya, ni qui demandent qu'on fasse ruqya. Et apparemment dans le hadith, il y aurait une version qui dirait plutôt, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on fasse ruqya, et ceux qui ne font pas preuve de cotalisation, qui n'utilisent pas ce qu'on appelle le kay. Il y aurait eu dans le hadith un problème de terme. Et ceux qui ne font pas preuve de superstition non plus. Et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Enfin, comme il y a un cas chez l'Umirsan, enfin, quand l'aide Allah, il n'y a jamais de minhum. Donc de là, Ukasha s'est levé et a dit, invoque Allah qui me mette parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, tu fais parmi eux, tu es parmi eux, tu es des leurs. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبق بها عكاشة. Un autre homme également pose la même question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as déjà été devancé par Ukasha. Voilà. Et le hadith est muttafaqun alayhi. Dans une autre version de Abu Huraira, apportée par l'imam Ahmed, قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على سورة القمر ليلة البدر فاستزدته فزادني مع كل ألف 70,000. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam que j'ai demandé à mon Seigneur, donc il m'a promis qu'il fera entrer dans ma communauté 70 000 qui seront sur l'apparence de la lune. Hein, la porte de la lune dans une nuit de pleine lune. Puis j'ai demandé de me rajouter. Et il rajoute avec chacun d'entre eux 70 000 autres. Avec chacun d'entre eux 70 000 autres. Hadha allazi aradna nakra al-yawm. Falhamdulillah rabbil alamin.